싸미러. Manu ou Palatine. N'hésitez pas à vous rapprocher du bar ce soir avec des cocktails explosifs. C'est parti soirée techno, disco, électro. Mesdames et messieurs, Mr. Manu. Maintenant, on va faire du rap. Bon, je vous fais un peu de batterie. Thank you. We'll be right back. We'll be right back.